27, activation, discrimination auditive. Le son A et le son O. Vous allez entendre 16 phrases. Indiquez s'il s'agit du verbe attendre ou du verbe entendre en cochant la case qui convient. 1. J'attends. 2. J'entends. 3. J'entends quelqu'un. 4. J'attends quelqu'un. 5. Il n'attend rien. 6. Il n'entend rien. 7. Qu'est-ce que vous entendez? 8. Qu'est-ce que vous attendez? 9. On ne vous attend pas. 10. On ne vous entend pas. 11. Il ne veut rien entendre. 12. Il ne peut pas attendre. 13. Vous attendez quelqu'un? 14. Vous avez entendu? 15. Ce n'est pas la peine d'attendre. 16. Vous avez attendu 2 heures?